Bienvenue sur Radio Mixplore, c'est Kev, merci, on est là jusqu'à 21h. Radio Mixplore, un max de son Dancefloor. Allez, tout de suite, on se fait les amis. Alors ça, c'est un petit sondage qui a été fait par le site Mini Toto, donc avec 3211 Français qui ont participé au sondage, donc 1347 femmes et puis 1864 hommes. Voilà, donc c'est très simple, les insultes les plus dites dans les bouchons. Voilà, donc en 10ème position, vous êtes 6%. Donc là, on commence par les insultes préférées des hommes. Donc il y a 6% de pauvre con, 7% de blaireau, 20% de merde, 24% abruti, 25% salope ou salaud, 26% bâtard, 46% fils de pute, 53% putain, 56% enculé. Et en première position, les amis, 74% des hommes disent connard ou connasse dans les bouchons. Et pour les femmes, bah c'est très simple, nous avons 9% idiot, 12% blaireau, 17% salope. Non, ouais, ouais si, c'est ça, salope. Oh là là, c'est vraiment vulgaire, hein. Je tiens vraiment à vous le dire. Abruti, 22% fils de pute, 27% merde, 29% enculé, 49% putain, 51% et aussi 73% de connard et de connasse. Ah, j'aime bien parler comme ça en direct de la radio là, ça me fait plaisir, je suis un peu libre. Ça me fait plaisir. Et dans quelques instants, on se fait encore des infos insolites sur Radio Mixfleur. En tout cas, c'est Kev, on est là jusqu'à 21h, ça nous fait plaisir. Envoyez vos dédicaces sur le Facebook Kevin RD. Il y a pas de souci. Donc il y a Léa qui nous fait un bisou de Nice. Voilà, on revient juste après ça, ne bougez pas. On est là. On est présent. Merci d'être avec vous sur Radio Mixfleur, on est là jusqu'à 21h. Bientôt, la justice aura son chiffre, les 7 mercenaires. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. Vous êtes en quête de vengeance. Je suis en quête de justice, mais la vengeance, ça m'ira. Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Combien d'hommes, vous disiez ? Les 7 mercenaires, 7 flingues pour un film de légende. Le 28 septembre au cinéma. L'Inox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Radio Mix Floor. Vous avez toujours été pressé. Bien plus pressé que ça. C'est ça. Vous coupez court, vous rendez-vous chez le dentiste. C'est bon, merci. Je remplirai moi-même le trou. Vous attendez rarement les autres, moins pressé que vous. Est-ce que tu veux bien m'épouser quand ? Et quand vous voyez une barrière de passage à niveau qui se ferme, vous n'hésitez pas, vous. Accélérez, ouais, forcément, ils ont... Sur les rails, le danger est plus rapide que vous. Soyez attentifs au passage à niveau. Respectez le code de la route. Ceci est un message de SNCF et de la sécurité routière. Radio Mixfleur, un max de son dancefloor. Un max de son dancefloor. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. I

court. Mais c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Oh, c'est le temps qui court. Mais à coup pas. Le Before Nuts Floor, c'est Kev, c'était Souffle à l'instant. Merci à la production qui me font signe que je parlais dans le vide. Allez, ne bougez pas, on revient juste après ça. Radio Mix Floor, un max de son. Allez, donc une petite info insolite qu'on vient d'apprendre. Excusez-moi, la production, j'en ai marre, je vous assure. C'est un truc de ouf. À chaque fois, il se passe une couille. C'est à chaque fois le mardi. Je rappelle que le mardi, on est là jusque 21h15. Ça sera comme ça tous les mardis. Parce que la libre antenne, elle est décalée maintenant. Donc, justement, on aura 15 minutes de petit best-of. Les canuars téléphoniques, hein, Chantal, les pervers, vous allez rigoler. Mais tout de suite, c'est Nafo, voilà, qui vient de tomber sur les écrans de Radio Mixcloud. La Russie a censuré YouPorn et Pornhub pour relancer les naissances. Excusez-moi. Excusez-moi les amis. Donc oui, donc la Russie, ça y est, ils ont décidé de censurer YouPorn et Pornhub pour relancer les naissances, tout simplement. Donc l'agence russe de surveillance de télécommunications a prononcé jeudi l'interdiction des sites pornographiques sur les territoires pour soigner sa démographie. Et voilà, donc tout de suite MHD sur Radio Mixer, c'est le Before Dance Floor. On est là jusqu'à 21h15. J'ai envie qu'on monte le son, j'ai envie qu'on tape dans les mains les amis. La la. La la la la. Allez, c'est Kev, on est là. Jusqu'à 21h, c'est le Before Dance Floor. Merci à vous et de votre fidélité. Bienvenue tout le monde. Hey, petit con, arrête le rap. J'ai pas le temps de poser mes gros beaux débarras. Tu dois les barrages, demande à Jonka. Le bol le NF réseau à la base du barbane. Qui donne le texon. Il est de quartier, les petits qui parlent. Moi, voilà, faut que c'est tarté. T'es peut-être armé, chez nous, y'a les bravards. Dans mon sol, les fils de pute qui parlent, mais des les gars. Tous ces enfoirés chèques qui passent au Maroc, ouais, c'est pas ta mentie. J'ai pas de tige de pêche, je connais pas mon salaire, mais je parle des Gucci. On m'a dit qu'à Fouguette, la concurrence, je vois que des abrutis. Juste là pour le même but, reste dans le merde, disco, et puis fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Laisse les jaloux, laisse les coups mal à c'est pour nous. Ils diront MHD, il est relou. En tant que parti, le mec nous a chez coup. LNG va doucement sur vos colères. Qui me suit en solo sur Twitter. Ma chérie me presse pas l'amour et tueur. Il qu'a digné, c'est ça qui me fait peur. Tous ces enfoirés chèques qui passent au Maroc, ouais, c'est pas ta mentir. J'ai pas de fiche de pêche, je connais pas mon salaire, mais je parle des Gucci. On m'a dit qu'à Fouguette, la concurrence, je vois que des abrutis. Juste là pour le même but, reste dans le merde, pisto, et puis fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. C'est nous, c'est la Champions League. Bienvenue, c'est Kev sur le Radio Mix Floor, on est dans le Before Dance Floor. Voilà, big up à Léon qui nous écoute de Nice. Ah là là. Ah, vous le connaissez ce son, vous le connaissez les amis. Oh là là là là. Je suis en feu. Les amis Soprano là maintenant dans quelques secondes. J'espère que ça va chez vous, j'espère que vous êtes en feu. En tout cas, c'est Radio Mix Floor, on est dans le Before Dance Floor, c'est Kev jusqu'à 21h. Bienvenue tout le monde, montez le son. Je suis en feu, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud,

A rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest show. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest. Fédère à l'instant sur Radio Mix Floor, c'est le Before Dance Floor, c'est Kev. Bienvenue tout le monde, est jusqu'à 21h15. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. One. De son dance floor. Allez, pour ceux qui habitent à La Rochelle, les amis, c'est une petite info insolite pour vous. Et oui, il y a quatre jeunes gens qui avaient volé tôt le lundi matin le catamaran d'un club d'un voile à La Rochelle. Et ils ont sombré. Alors, les amis, je vous explique les trucs. Ils ont volé un bateau, voilà, donc ils étaient un petit peu défoncés, les jeunes. Ils ont volé un bateau et, on va dire, 2 heures après, ils ont coulé, les amis. C'est vraiment magnifique. Ils ont volé un bateau, ils ont coulé. C'est vraiment magnifique, j'adore, grosse pensée à vous si vous nous écoutez, ceux qui habitent à La Rochelle, et je pense à vous parce que j'étais à La Rochelle l'année dernière. Voilà, ça me fait plaisir de parler de vous les amis, le port de La Rochelle, ça fait super plaisir, et ouais, il fait bon en plus. Allez, grosse big up à Antoine là qui nous envoie leur dédicace, hein, Kevin RD sur Facebook, Antoine qui nous fait « Kev, c'est quand que tu vas nous parler ?» des top 3 des joueurs les plus riches. Bah, on l'a déjà fait ça, c'était dans une autre émission. Il y a aussi Lucas qui nous fait un gros bisou, Camille, et nous avons Léa. Voilà, bisous à vous tous, Kevin RD, n'hésitez pas à nous ajouter. Bienvenue à un son qui va vous faire danser, c'est le Before Dance Floor, c'est Kev. Bienvenue tout le monde.

This is all for your lies. Listen out for your mind. You're killing me over love. Bienvenue les amis sur Before Dance Floor, c'est Kev, j'espère que vous allez bien. Il y a Lucas qui nous fait un bonjour sur Snap, et nous avons Lucas. Voilà, Lucas qui est sur Instagram également, nous avons Antoine sur Kevin RD, le Facebook. Il m'envoie un message privé, Kev, tu peux parler de mon école. Oh, on verra ça après, tout à l'heure déjà, voilà. En tout cas, bienvenue, c'est Kev.